si t'as pas le et justement si t'as pas le petit truc là, c'est que t'as pas installé le bon pilote. Sacré GG.